La chapelle du revenant. Lorsque de très bonne heure, suivant son habitude journalière, Anne Guisnou, ce matin-là, se rendit à l'église de Plougasnou pour y faire sa prière dans la petite chapelle de Kéricuf, devant la statue de la Trinité, il y avait plus d'une semaine qu'elle n'avait revu le capitaine Thor et Pen. Fidèle à la promesse faite à son père, et attendant avec résignation et patience les événements qui pourraient se produire, elle avait évité toute occasion de le rencontrer, mais au fond de son cœur, rien n'avait changé, et elle s'occupait anxieusement de savoir ce qu'il devenait. La veille, par ses frères, elle avait appris que le Penbaz allait mettre à la voile pour une expédition importante. Un convoi de transport avait été signalé au large d'Ouessant, à destination de l'Angleterre. Peut-être y aurait-il là pour le corsaire de Primel quelque occasion qu'il ne voulait pas manquer. Il avait résolu de surveiller son passage, espérant bien capturer quelqu'un de ces gros marchands, si son escorte n'était pas trop forte. Aussitôt, la résolution de la jeune fille avait été prise. Elle se rendrait à Primel, elle reverrait son cousin avant son départ, car elle ne voulait pas le laisser partir sous l'impression du désespoir qui l'anéantissait lorsqu'il avait quitté la maison des Guisnou après les cruelles paroles de Pierre-Marie. Elle eut la surprise de constater que tout le pays était plongé dans ce même brouillard laiteux, humide et mouvant, qui enveloppait Plougasnou lors de la première apparition du corsaire, qui avait semblé surgir comme un fantôme, comme un revenant de la brume et de la mer. Elle calcula. On était en avril. Il y avait 5 mois. Mais un frisson la saisit. Si cette brume qui l'avait amenée allait le reprendre, le ressaisir pour toujours. Les impitoyables paroles de son père la poursuivaient de leurs clameurs sinistres. « Il est sorti de la mer, qu'il y rentre pour toujours !» Cela la déchirait comme un blasphème et la hantait comme une prédiction. Elle devait employer toute son énergie de fille vaillante aux grands ancêtres de bravoure pour ne pas céder au découragement. Elle allait de nouveau prier pour Guy Guisnou. Elle saurait bien cette fois encore le protéger de ses prières contre le malheur, appeler sur lui la bénédiction d'en haut et le sauver de tout péril. C'est alors qu'elle avait résolu aussi d'aller le trouver une dernière fois, avant qu'il ne courût de nouvelles aventures. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle lui dirait, mais elle sentait qu'il partirait plus fort après l'avoir vu. Comme elle sortait de l'église et prenait la route de la pointe de Primel, elle faillit, tant le brouillard était dense, se heurter à une vieille femme qui trottinait, appuyée sur une canne, et paraissait en revenir. « Ah, Madoué, vous, Tinaïque Cornou, ici, avec vos pauvres jambes tremblantes, d'où venez-vous à cette heure du matin déjà ?» Un instant, la vieille l'examina sans répondre tout de suite, puis hochant la tête et fixant ses yeux aigus dans ceux de la jeune fille. « Je viens de l'endroit où tu vas, bien sûr, petite Anne. » La jeune fille avait fait un léger mouvement, mais Tinaïque lui avait saisi doucement le bras. « Je l'ai vu, celui que tu vas voir. Il est bien triste, bien malheureux, et ton bon cœur le consolera. Tu as raison d'aller à lui qui ne peut plus venir à toi, ma fille. » « Vous savez ? » balbutia-t-elle un peu confuse. Mais l'autre reprenait. « Ne crains rien, je suis une amie. Je sais sans qu'on m'ait rien dit, parce que cela devait être. Il y a des douleurs qu'on devine sans qu'on vous les avoue, impitoyable au fils comme il l'a été au père. C'était à prévoir. Sa tête est trop dure pour changer, à moins que... Enfin, l'avenir est l'avenir. Mais lui, l'innocent, n'est-il pas mon fils, comme je te dis que tu es un peu ma fille aussi ? J'ai su qu'il partait pour des dangers. J'ai voulu l'embrasser une fois de plus. C'est peut-être la dernière, qui sait. Oh, il est venu me voir plusieurs fois là-bas dans ma falaise. Il m'avait promis, le cher enfant. Et puis, cette tombe l'attirait. Elle ajouta avec un sourire. Peut-être aussi les fleurs toutes fraîches qu'il y trouvait toujours, les fleurs qui lui révélaient que quelqu'un était venu aussi, quelqu'un qui est tout près de son cœur, quelqu'un qui a mis son cœur avec le sien, comme le dit notre vieille chanson, « La douce des douces que tu es, petite. » Anne balbutia. « Merci, Tinaïque. Vous êtes bonne. On vous a méconnue trop longtemps. Mais moi, je vous connais et je vous aime. » « Vous serez donc deux, toi et lui, à avoir un peu de tendresse pour la pauvre vieille que je suis. et je vous unis dans mes pensées comme dans mes prières. Où l'avez-vous vu ? Questionna encore la jeune fille. Tout au bout de la pointe, à l'extrême avancée de Primel, d'où il guette le moment où la brume se lèvera un peu. Il y est encore et tu l'y trouveras. J'ai hâte de retourner chez moi. Au revoir et bonne chance, reine en sabots. Ce fut presque sans s'en apercevoir qu'Anne atteignit les premières roches de Primel. Déjà, elle longeait la chapelle de Bélec. Un courage nouveau la poussait devant elle, lui faisant escalader vivement les blocs de rochers, suivre la petite sente à peine tracée à travers les fougères, les brousses et les herbes. Elle contourna l'énorme entassement de roches sur lequel veille la maison de garde et la guérite du guet des gardes-côtes et qui sépare pour ainsi dire en deux parties la pointe de Primel, et elle atteignit le petit pont étroit jeté par-dessus la faille géante au-delà de laquelle se trouve, comme un formidable îlot de granit, la pyramide monstrueuse formant l'extrême pointe de Primel. Tout autour d'elle, la mer grondait, balayant de son écume blanche, visible par les éclaircies ouvertes parfois dans la brume, les anfractuosités du roc, les cavernes sous-marines et les petites plages. Comme elle s'aventurait sur les planches minées et tremblantes du pont, simplement suspendues par des barres de fer rouillées, une lame plus violente passa sous elle, à 10 mètres plus bas, balayant le fond de l'abîme tandis qu'un rugissement plus violent retentissait et qu'elle se trouvait enveloppée de la poussière humide de l'embrun. « Comme elle est méchante aujourd'hui, la mer » murmura-t-elle. Et tout son cœur s'emplit de la pensée de celui qui allait partir. Elle gravit plus courageuse, plus hardie, la haute roche, dont on ne pouvait atteindre le sommet qu'en s'aidant des mains pour se raccrocher aux racines, aux arbustes, et atteignit le plateau supérieur. Debout, à la coupure même de la falaise à pic sur la mer, une forme lui apparut, se détachant en noir sur les cotonneuses épaisseurs qui ouataient d'une blancheur un peu grise l'immensité. C'était Thor et Pen. Elle s'arrêta un moment pour reprendre haleine, car la rudesse de cette longue ascension autant que l'émotion l'avait brisée. Là, elle se trouva brusquement fouettée si violemment par la bourrasque qui soufflait de l'ouest qu'elle dut se cramponner à une pointe de rocher pour ne pas être renversée. Les bras croisés sur la poitrine, indifférente à la violence du vent, semblant faire corps avec le granit sur lequel il se tenait dressé sans peur au-dessus de cette mer retentissante à laquelle il allait se confier de nouveau, le jeune homme regardait droit devant lui, fouillant la muraille de brume de ses yeux habitués à sonder les ténèbres et cherchant à deviner par les rares trouées qui se produisaient dans ce mur flottant les chances de réussite que pouvait avoir sa nouvelle expédition. Quelques instants, Anne Guiznou l'admira dans sa force souple, dans cette énergie qui ressortait de tout son être. Il était comme un jeune dieu de la mer, dominant et contemplant sa sujette et lui donnant des ordres. Elle reprit confiance en son avenir. La destinée devait l'avoir marquée de quelques signes favorables. Doucement, elle se glissa à travers le plateau, dont les herbes épaisses étouffaient le bruit de ses sabots, et arrivée tout près du capitaine, murmura « Guy, c'est moi !» Il avait passé les deux mains sur son front comme pour en écarter une vision, croyant avoir mal entendu et rêvé car, sans bouger, sans se retourner, il demanda, les yeux fixés au loin, paraissant chercher parmi les fantômes de la mer qui avait parlé, « Qui m'appelle ainsi de cette voix douce ?»« Guy, je suis venu vous trouver avant votre départ. » D'un mouvement brusque, il se retourna, éperdu de joie, oubliant en une seconde toutes ses souffrances passées, toute cette longue et mortelle semaine écoulée sans la voir, après le dernier entretien avec son père. « Vous, vous, ma petite Anne ! Ah, je suis heureux, heureux, je n'espérais plus !» Il l'avait saisie dans ses bras, l'étreignant contre sa poitrine, si joyeux que des larmes brillaient dans ses yeux. Il murmurait. « Ici, venir me voir ici, quand j'étais si malheureux !»« Malheureux, vous ?» « Non, non, je ne veux pas, il ne faut pas !» Il la conduisait vers une petite excavation où elle serait relativement à l'abri, la forçant à s'asseoir, à s'adosser au rocher. « Ne restez pas debout, ce vent est terrible, il pourrait vous jeter en bas !» Elle fit « Mais vous ?» Il eut un geste d'insouciance, de fatalisme. « Moi, est-ce que je compte ? Est-ce que cela vaut la peine ? et se reprenant en voyant son visage s'attrister à ses paroles découragées. « Et puis moi, je suis robuste, j'ai la force de résister. La tempête, cela me connaît, c'est mon élément. » Il s'était assis auprès d'elle et la contemplait, enivrée, comme s'il la voyait pour la première fois. Il demanda « Vous me saviez ici? Quelqu'un vous avait dit ?» Anne expliqua. « Hier, Alain, Hervé et Yves sont venus faire leurs adieux au père. J'étais là. J'ai appris que vous partiez aujourd'hui. Alors j'ai décidé que je vous verrais. Je ne voulais pas vous laisser partir ainsi sous le coup de ces dures paroles. Comme je sortais du bourg, j'ai rencontré Tineïk Cornou. » Guy murmura. « Oui, je comprends. La brave créature était venue, elle aussi, de Saint-Jean-du-Doigt, si vieille et si courageuse. Je n'ai pas eu besoin de lui révéler. Elle a tout deviné. Moi, j'aurais eu honte de mettre quelqu'une d'autre dans la confidence de ce qui s'est passé. Mais avec elle, nulle nécessité de parler. Elle lit dans les cœurs. Elle sait que nous nous aimons et que nous sommes malheureux. Ne vous a-t-elle pas dit également qu'il ne faut jamais désespérer ? Questionna la jeune fille. Tout se dresse contre nous, s'exclama le corsaire avec douceur. J'étais plus heureux sans nom qu'avec ce nom qui m'écrase. Et cependant, ce nom, je le trouvais si beau, si glorieux quand j'ai su que vous le portiez. Il était comme l'invisible pavillon flottant au mât de mon bâtiment et me guidant vers les grandes choses à accomplir. J'étais fière de penser que peut-être je pourrais un jour m'élever jusqu'à lui, en être digne. Je découvre que je le porte moi-même, je devrais en être fou de joie, et il est au contraire mon malheur, ma malédiction. Autour d'eux, les grondements sourds de la mer que la marée montante soulevait pour la lancer à l'assaut de la haute falaise dominait par moments sa voix ou s'y joignait comme un accompagnement lugubre. Le vent soufflait plus fort, déchirant peu à peu la brume et l'emportant vers le large. Sous ce rideau blanc qui se soulevait, les lames apparaissaient crêtées d'écume, se bousculant vers l'entrée de la passe, couvrant le Zamégès d'une pluie neigeuse. Le capitaine, les montrant, fit « Les voici qui m'appellent, l'heure approche. » Anne Guizenou, malgré toute sa vaillance, malgré cette confiance en l'avenir qu'elle lui montrait, tressaillit, n'osant dire toute sa pensée. Comme elle semble en colère aujourd'hui. Je le remarquais déjà en venant lorsque j'ai passé le pont. On eût dit qu'elle voulait m'arrêter, m'empêcher d'arriver jusqu'ici. Il eut un léger rire, expliquant. « Elle est jalouse, peut-être. » Tout se découvrait peu à peu, comme par enchantement. Une rafale passa sifflante, balayant le plateau. Il la sentait glisser au-dessus d'eux, fuir vers le large. Le jeune corsaire approuva. « Bonne besogne que le vent fait là. Il veut que nous y voyons clair tout à l'heure pour courir là-bas. » Le bras tendu, il désignait le large, au nord de l'île de Bas, qu'on commençait à distinguer. Puis, ce furent les clochers de Roscoff, de Saint-Paul-de-Léon, la ligne des côtes, Paimpoule, les îles, les écueils, la déchiqueture aiguë de la pointe de la Décapitation, qui sortirent du brouillard comme un grand décor mouvementé. Le capitaine s'était relevé et Anne l'avait imité. Elle se pencha, regardant vers le fond de l'anse de Primel, avec sa flottille de barques de pêche amarrées à leur corps mort et dansant sur la lame, et fit joyeuse. « Le Penbaz, tout prêt à faire honneur à sa marraine, » répondit le capitaine. « Oh oh, mon brave Lantoc ne sera pas en retard, tout me semble paré. Ah, voici le signal. » Une flamme rouge venait de se montrer à la tête du mât. Il se rapprocha du bord de la roche à pic, tira son mouchoir de sa poche et l'agita à trois reprises régulièrement espacées. Le pavillon glissa, ramené sur le pont. « On m'a vu, ils n'attendent plus que moi pour lever l'ancre. » Il fallait revenir. Cette fois, Guy tint à guider lui-même sa compagne dans la difficile descente, s'ingéniant à lui éviter les endroits escarpés. Quand ils atteignirent la chapelle de Bélec, Anne la montra au jeune homme. « Vous souvenez-vous, c'est ici la première fois que nous nous sommes parlé à cœur ouvert, la première fois que j'ai senti que je devenais vôtre et que rien ne me détacherait de vous. Rien, entendez-vous ? » Il soupira. « Le ciel vous écoute, ma chère petite Anne. Vous finiriez par me communiquer votre inaltérable confiance. Mais n'est-ce pas, au contraire, la dernière fois aujourd'hui ?» Elle décida gravement. « Il ne faut jamais désespérer, je vous le répète. » Thor Heppen écoutait, moitié sceptique, moitié croyant. Il répondit « Si un miracle peut s'accomplir pour moi, dont l'âme gémit et se plaint, vous seule, ma douce âne, pouvez le faire, vous que j'ai salué de ce nom de douce des douces, qui est celui de votre chère patronne. Il s'accomplira, n'en doutez pas. N'ai-je pas fait vœu d'être votre femme ? Espérez. » Une nouvelle rafale passa, faisant écumer et gronder la mer, dont les lames enveloppaient les chaises de Primel, et Anne, malgré son assurance, frissonna. « Oh, la mer, la mer !» Mais le capitaine, se tournant vers le large, « Elle me rappelle au devoir, je dois obéir. » Anne murmura doucement, « Espoir !» Du doute demeurait dans les prunelles du corsaire, mais il surmonta cette faiblesse et s'écria, « Espoir !» Devant la chapelle du revenant, ils se séparèrent après que Thor Heppen eut posé un baiser sur le front de sa fiancée.